moins je tienne avec moi. I don't wanna si tu le veux connaître. Oui, c'est mon plastic dog. I think that is my master, my fiesta, my love. It's everything I need anytime that I'm low.